Beaucoup de vos amis travaillent à l'étranger aussi, ou travaillent la plupart en France? Non, travaille en France. Travaille en France. On offre vraiment de mauvais représentants des Français à l'étranger parce qu'on a très peu de liens finalement avec l'étranger. Oui. On n'a pas, disons, un passé quoi, de résident à l'étranger, ni de relations. Ni de relations constituées par ce milieu, ni de vocation. Oui.